Sur cette route de campagne, je roule en feu de route. J'ai aperçu le feu unique d'une moto qui a disparu subitement dans le creux de cette route vallonnée. Si elle n'a pas pris une route à droite ou à gauche, en bas de la côte, elle devrait normalement réapparaître devant moi. Pour éviter de l'éblouir, je dois passer en feu de croisement. Réponse A.